son époque. Quand y'a plus rien à perdre, on dit que ça sent le départ. Des merdes, on se démène parce qu'il faut qu'on mange. J'narque les anges, dérange, chez moi rien ne change. Apparence trompeuse, l'extase reste fictive. Même seul le temps passe toujours aussi vite. Mais on reste là, à faire du rap vrai. Sans motif sur ma tête, c'est du rap frère. C'est dur à faire, comme se construire soi-même. Me prendre des baffes, tu sais, dans le fond c'est sûr que ça m'aide. On m'a dit mec, l'autre dans ton vin, j'ai préféré l'orange dans le rhum. Désolé, j'ai du caractère, j'mal à rentrer dans les normes. Derrière le charme se cache le bif, en 2008 à sa femme. J't'ai déjà dit on rap râle, on cavale, on s'amale. Une page de vie d'un jeu qui avance, les yeux fermés. Qui reste en marche du format, qui plaira plus faire mal. Les éditions lourdes avec le beatmaker. J'suis pas en avaler, pour ça que nos beatmakers. Écrire c'est dans mes corps, on les appelle vocal. Avec j'viens pas multitracker, au lustre du local. La concurrence dans la demeure, on te lâche à son vandal. La pauvreur est ta mère, nous on a trop la dalle. Écrire c'est dans mes corps, on les appelle vocal. Avec j'viens pas multitracker, au lustre du local. Tous mes putains lyriques, c'est pas que pour les gars d'Afrique. Même si ici la rime est strict, j'm'attraque le beat à coup de trip. Du trouble, c'est pas chic. Dans l'instru, y'a un hit. Tu critiques, mais moi petit con, je te nique. C'est de la pure auto-prod, c'est pas du rap au prod. Rendis le glace des potes, y'a pour moi, y'a que ça qui importe. J'm'en fous de foncer les sports. Les maisons disent sont mortes. L'authenticité m'escorte et les puristes donneront leurs notes. Ce rap, c'est ce que j'aime. J'fais des instrus par dizaines et des couplets par centaines avant de parler, fais là. Même, j'y peux rien si ta meuf m'aime et que tes gars sont à la traîne. Tu veux savoir avec qui je traîne? Je traîne avec personne, mon nom est personne. MC comme dans les western tourneurs sonne. Pop, pop, mon coup de stylo dégomme. Les mythos je les gomme. Reste donc à ta place bonhomme. Le disque d'or je te le donne. Le rap c'est un style et je viens le détourner. Gamin tu te prends pour un pire, mais je viens de te doubler. Vas-y prends ton temps, respire et balance ton couplet. Arrête de me faire rire, c'est du coq qui est collé. Arnaque pas mes auditeurs, ne mens plus à mes sœurs. Ce que tu dis de mes fleurs, même si tu m'envoies des fleurs. Vas-y fleur. Du son lourd avec le beatmaker. Tu vas en avaler pour ça nos beatmakers. Écrire c'est dans mes corps, on les appelle vocal. Avec j'viens pas multitracker, au lustre du local. La concurrence dans la demeure, on te lâche à son vandal. D'abord pleurer ta mère, nous on a trop la dalle. Écrire c'est dans mes corps, on les appelle vocal. Avec j'viens pas multitracker, au lustre du local. Laisse-moi gueuler comme une bonne femme qui perd les os. J'suis allergique à l'homme depuis que l'enfer c'est les os. J'suis comme un spéléo, j'me creuse la tête tous les samedis. Nul ne peut aimer quand il ne sait ce que ça veut dire. J'en ai plein le cul, tu te rappes un quotidien. Mais je garderai mes petits principes parce que mon quotidien. J'aime jouer avec les mots car c'est les seuls à m'écouter. Le flow je l'ai trouvé comme la méthode pour s'égoutter. Pas donc flinguer le fleuri, j'suis pas du genre à me faire des fleurs. Si on te casse ta baraque, c'est parce qu'on fait l'effort. Alors prends-en de la graine et sache que je t'ai pas tout dit. On t'a presque du son l'air, un gros échange de tout qui va t'user. D'avoir du son sous les godasses, c'est duré. Car les femmes sont toutes des connasses. Dès qu'on a un peu de temps, on évite de le faire. Si je te donne ma confiance, évite de me la restituer.